CKRL 89.1 avec vous, c'est Jason Duval et Caroline Stevenson. Bonjour, Caroline. Bonjour, Jason. Ça va? Ça va, je suis full content d'être avec toi. Oui, moi aussi. Puis ça fait drôle en plus, c'est toi qui es derrière la console. Moi, je tripe au bout, là. Je suis comme ton invité. Exactement. Puis on est ensemble pour une raison bien précise, parce qu'on fait, on parle de l'encan de CKRL 89.1. Ah, peux-tu dire que ça part là avec nous autres, le radioton? C'est Ça peut-être être un début de Radioton, on pourrait... On part le party. On part le party. Et puis c'est spécial, en plus, 50 ans, 50e, le Radioton du 50e anniversaire, c'est pas banal quand même. C'est pas banal, puis en plus, cette année, je trouve qu'on a un super, ben, comme toujours, on a un super bel encan. C'est super facile, là, si vous voulez miser, je le rappelle, d'entrée de jeu, là, vous vous rendez sur le site de la station, donc c'est KRL 89.1, il y a l'onglet Radioton, et là, ben, vous avez toutes les informations pour miser, le lien pour vous rendre sur l'encan du Radioton. Puis si jamais vous voulez être vraiment super simple, vous tapez dans Google CKRL Radioton 2023. Premier résultat de recherche au top du top, c'est ça. Donc, hein, il n'y a pas plus facile pour miser et encourager la station. Et les habitués vont retrouver des lots chouchous peut-être. Il y a des nouveaux lots, il y a des lots chouchous, mais il y en a 100 lots pile poil. Alors, vous devriez être bon pour trouver le lot qui est coup de cœur. Puis parfois, il y a même deux fois le même lot. Je pense à Château-Laurier, par exemple. Il y a deux possibilités de miser. Alors, c'est sûr que c'est stratégique, là. Chacun y va de sa stratégie. Là, il est 15h30. Il reste encore deux jours. Vous avez même le décompte si vous allez sur le site, là. C'est vrai. Alors, il y a des stratégies là-dedans. L'idée, c'est que ça se termine dimanche. Tout ça va se terminer donc en même temps, là. Fermeture dimanche à 20h. Oui, puis il y en a pour tous les goûts, hein. C'est ça qui est le fun avec l'encan du Radioton. Là, si vous aimez sortir en bar, dans les bars, bien, vous avez des lots concernant le Ninkasi, entre autres, mais vous avez aussi des trucs pour les spas, du yoga, de la littérature. Vous avez vraiment tout un prix. Et ben moi, je sais que dans mon entourage, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment faire du yoga. Caroline, je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a deux lots de yoga à offrir. Les lots 31 et 32, c'est la mise actuelle est à 45 $. La valeur est de 90. C'est une gracieuseté de Namasté Limoilou. Les lots 31 et 32, si vous voulez vous initier au yoga. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, c'est juste en haut d'ici, passez, vous faites un petit tour, puis c'est un beau coin, 3e avenue. Jason, je sais que tu peux pas en parler parce que tu vas être trop pudique, puis c'est ton lot, un peu, en quelque sorte. Mais lot 96, que tu chies au café, c'est vrai, avec les deux porte-paroles. Et tu offres les deux œuvres, en fait, de nos porte-paroles. Ben oui, Lou-Adrienne Cassidy et sa mère, Paul André. Comme à chaque année, c'est quasiment une tradition maintenant. Je dessine, je fais du portrait, donc je dessine les deux porte-paroles. Et cette année, je dois avouer que pour Paul André, ça a été toute une épreuve parce qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à dessiner. Mais... Tu parles de quoi quand tu fais tes dessins? Tu parles de photos, de portraits déjà? Je pars toujours d'une photo. Je n'ai pas le talent de partir de rien et de ma tête, donc je pars toujours d'une photo. C'est assez précis ce que tu fais de toute façon. Merci, c'est Caroline. Magnifique. Merci, merci. Donc là, Paul André, c'était tout un défi. Donc, le lot 96, si vous voulez, en plus d'aller prendre un café avec Paul André et Lou-Adrienne Cassidy à Chichio Café, trois personnes, cinq tables d'hôtes, plus les deux portraits, c'est le lot 96. Caroline, quand même la valeur, 300 $. Oui, quand même. C'est plus qu'un café, là. Hein? On s'entend, là. On prend un petit c'est bon au Chichio en plus, là. C'est dans le cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste, allô, Grand Théâtre. Enfin, c'est une belle soirée en perspective, puis les filles sont vraiment super intéressantes. Puis il y a deux belles œuvres de toi qu'on aura dans notre salon. Yes. Ça fait longtemps que tu dessines comme ça? Ça fait à peu près 10 ans. Oui, puis ça fait quelques années que tu offres des lots. Je pense que depuis que je suis arrivé en 2018, j'ai toujours fait ça. Ah ben bravo, bravo, c'est tout à ton honneur. Puis, puisqu'on est dans les cafés, restos, tout ça, il y a quand même beaucoup de lots. J'essayais de faire des bulles de lots gourmands. Alors, il y a un restaurant, là, je vais aller rapidement, mais peut-être juste vous aiguiller, aller faire un tour, comme tu le disais, c'est facile. Puis regardez, parce qu'il y a un restaurant, par exemple, sur la rive sud, si vous habitez à Lévis, l'Express du Sud, qui offre un très beau lot. Il y a un lot pour ceux qui aiment le café, je le dis parce que c'était un de mes collaborateurs... Il est encore collaborateur, Alex Sereno, qui nous offre le café Barista, du super bon café. Alors, c'est un lot gourmand. Oui. La pâtisserie Simon, qui est dans, près de chez moi, qui offre deux lots aussi. La Planque, juste ici à côté. La Boîte à pain, qui est mon commanditaire à l'émission du matin, qui offre des lots aussi. Fait ah, puis le pied bleu aussi, j'allais oublier le pied bleu. Mais là, regardez les numéros, je sais que le pied bleu, c'est le numéro 92, boîte à pain 55, 56. Ils sont pas tous regroupés par thème, là. Il faut fouiller. Il faut fouiller, puis c'est ça qui est le fun, parce que, bon, là, tu parles, mettons, pour miser sur un lot, puis là, tu te rends compte que, ben le lot numéro 2, poils et plumes, ben c'est pour un certificat cadeau d'une valeur de 100$ nourriture et accessoires pour ton petit chien. T'as un petit chien, tu veux oui, le gâter, ben, mais là, chip, tu fais... Oui, j'ai un petit chat, moi. Bon, j'étais bon, tu vois. T'étais parti pour miser sur le yoga, sur la boîte ben, à pain. Ouais. Tu mises deux fois plutôt qu'une. Et présentement, ben la mise actuelle est de 70$. La valeur est de 100$. Donc, quand même, c'est l'occasion aussi de gâter à la fois votre estomac avec la boîte à pain... Oui. Que tu disais, et vos animaux, c'est toujours le moment de vous gâter. Je ne sais pas si tu es amateur de lecture, Jason, si beaucoup. Tu lis beaucoup. T'es-tu plus BD, romance? Je suis à toutes. Parce qu'il y a de toutes. Dans les lots d'encans, je regardais ça, puis là, je me disais, lequel je vais choisir? C'est l'année dernière, il y a 2 ans, je m'étais choisi le lot de la Capitale Nationale qui offre encore un lot cette année. La commission de la Capitale Nationale qui offre le lot numéro 25, ça vaut 350$. Il n'y a pas encore de mise. Et moi, je me le suis offert l'année dernière. Ouais, il y a 2 ans, en fait. C'est absolument magnifique. C'est des très jolis livres d'art, plein de photos sur la ville de Québec. Moi, j'en offre à l'occasion en cadeau. J'en garde pour moi mes livres chouchous, puis j'en donne en cadeau. Mais il y a des livres pour tous les goûts. Là, je ne suis pas amateur tant de BD, mais vraiment, là, je m'amusais à regarder. Il y a beaucoup, beaucoup de lots de BD. Là, je regarde 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est des lots de BD. Oui, puis pour les enfants aussi, c'est super intéressant parce que tu disais le 11, 12, 13. Ben 11, 12, c'est surtout pour, je dirais, enfants, adolescents. C'est super intéressant. Ouais. Si vous voulez faire des cadeaux à vos enfants, là, vous avez tout que des beaux lots ici. Là. Ou des petits-neveux. Puis après, il y a des BD pour adultes aussi. Là. On parle de... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Michel Lafon qui offre un lot. Les éditions Alto aussi qui font des super beaux livres, toujours bien soignés, avec des belles couvertures, des belles traductions aussi. Là. Ouais. Je sais que mes chroniqueurs littéraires, souvent, on embauche des livres de la collection Alto, qui se retrouvent d'ailleurs dans les choix de livres. Des alors, belles histoires aussi, c'est ça qui est le ouais, fun. Ouais, ouais. Et là, on parlait d'activité, mais ben, on parlait pas d'activité, mais tu sais, on disait c'est un beau cadeau à faire avec des enfants et tout. Ben le Festivant offre quand même deux lots, 79 et 80. Forfait familial, 2 adultes, 2 enfants pour l'édition 2023 du 2 au 6 août. Ça va être les vacances d'école. Ça peut être le fun. On va aller voir des gros ballons dans le ciel, puis on va aller assister à des bons shows toute la semaine. Ça veut dire que ça va être l'été. Il y a ça aussi. Ça veut dire qu'il va faire chaud. Oui, on mise, on sait qu'on a notre lot, ça s'en vient. Ben, de la même façon, hein, j'ai vu qu'il y avait encore le Festival de la chanson de Tadoussac qui offrait deux lots, le lot 63 et 64. Cette année, le festival se déroule, ben, c'est à peu près toujours dans les mêmes dates, du 15 au 18 juin. Je serais due pour y aller. Avoir le lot ou pas, je pense que je serais due pour aller faire un tour. Mais t'es une fille de festival, Ben oui, j'aime ça. C'est ton moment. Ouais, c'est ça. Des fois, je peux pas, je travaille. Mais écoute, c'est quand même un lot d'une valeur de 370$. Alors, il y a deux mises, là, 190 et 185. Mais c'est le temps. C'est sûr que s'il faut faire grimper les mises, là. Hein, ben oui. Tout est au profit de ces KRL, rappelons-le. Rappelons-le. C'est super facile de miser. On va rappeler aussi comment aller miser. Vous tapez CKRL Encan 2023 dans Google et vous le trouvez tout de suite. C'est le premier lien en haut. Et sinon, si vous voulez vous informer sur la programmation de CKRL, tout est possible, tout est disponible sur le site de la station CKRL 89.1. Vous pouvez miser directement à partir du site aussi de la station. Et Caroline, la Corrigane, on oui. a beaucoup d'émissions à CKRL oui, la Corrigane. Oui, oui, oui. Mercredi soir, Jessica est à la Corrigane. C'est le moment de passer une belle soirée parce qu'il nous offre un certificat cadeau de 100$. Ça te fait peut-être un gin tonic puis une bière, plus une méchante belle soirée, puis un bras parce que tu ne te coûtes pas un bras pour te payer une bière. Donc, mon Dieu que c'est bien dit. Mais la bière est tellement rendue chère à la Korrigan. Donc, présentement, la mise est de 80 $. La valeur, c'est 100 $. Certificat cadeau de 100 $, c'est 100 $. Donc, ça fait des méchantes belles soirées. Puis, des fois, il y a des bons shows à la Korrigan. Oui, c'est vrai. Surtout le mercredi soir avec Jessica. Elle a toujours des bons artistes avec elle. Exactement. Puis, parlant de bons shows, ben là, je tombe par hasard parce que je feuillette au fur et à mesure qu'on parle. Je tombe sur les lots du domaine Forget de Charlevoix. Ça, c'est drôle parce que j'en ai parlé ce matin avec Gilles Chaumel, mon chroniqueur musique classique. Ils ont lancé la programmation cette semaine, le domaine Forget. On va en reparler avec Gilles la semaine prochaine. Mais tout ça pour dire qu'ils ont une super programmation. C'est à Saint-Irénée, c'est le temps, on va se mettre les pieds dans l'eau parce que la plage est belle. Bon, c'est un peu froid, là. Ce soir, on va voir des spectacles, mais il y a deux lots, le lot 65 et 66, ça vaut 100 $ chacun. Alors, c'est le temps de faire grimper la mise. Là. Il y a pas tant d'argent que ça de mis là-dessus. Puis vraiment, là, c'est magnifique comme endroit. Donc, on sent une grande fan en toi, Caroline. Oui, moi, je suis une fan de Saint-Irénée, du domaine Forget. Mais voilà, plus de la musique aussi. Ben oui. La musique classique. C'est toujours bien le fun. Fan de musique classique, fan de théâtre, on dirait qu'on met comme un lien avec ça. Les lots 29, premier acte, et 59, théâtre Labordé, vous offrent des prix, des lots, justement, pour aller voir des pièces de théâtre pour le théâtre Labordé. Eh bien, c'est 8 billets pour la saison 23-24. Et ils viennent de sortir leur programmation. C'est fait, oui, c'est ça. Vous irez faire un tour. Là, vous irez faire un tour sur le site de Labordé. Ça promet, il y a de l'air d'avoir des méchantes belles pièces. Et moi, j'adore la salle de Labordé. J'adore aller là. C'est tout petit, hein? C'est tout intime. Mais... Puis souvent, il y a des pièces un peu plus éclatées. On est dans la création des nouvelles choses. Alors. Puis bon, ben, tant qu'à rester dans le théâtre, le lot numéro 57, c'est le théâtre Périscope aussi, qui est une très jolie salle, puis qui offre des très belles pièces aussi. Je n'ai pas la programmation sous les yeux, mais c'est quand même un lot d'une valeur de 175 $ là. En fait, c'est un forfait qu'on appelle forfait fidèle au poste pour une personne. Et ben, la personne qui aura l'eau aura accès à 6 pièces de théâtre de la prochaine saison 2023-2024, avec le privilège aussi qui vient avec le statut de fidèle au poste. Quand même, c'est pas pire. Vous aurez un breuvage thématique offert. C'est question de vous sentir un peu VIP et puis un coupe-fil qui vous permet de choisir vos sièges en premier. Alors ça, deux fois. C'est bon pour l'ego aussi parfois. Toujours bon pour l'ego. Puis surtout, tu sais, il y en a qui aiment beaucoup être assis bord de rangée, centre de la salle. Toujours le fun. Hein? Donc, exactement. On passe devant tout le monde. On passe devant tout le monde. Fait qu'on sent un peu star. Tu sais, c'est comme je suis une star, laissez-moi passer. Exact. Donc, les premiers servis. Fan de musique, on parlait de Périscope, de théâtre. Fan de musique, le lot 47 est probablement pour vous parce que Explosive Groove, situé sur la première avenue, magasin que j'adore parce qu'ils vendent des vinyles extraordinaires. Dois être souvent là, toi, non? Ben, j'y suis. Des vinyles, t'es-tu beaucoup. Vinyle dans ton émission au moins, mais. Et Caroline, là, si on part là-dessus, là, on n'aura pas assez de 20 minutes. On n'a pas assez de 20 minutes. Faut que t'arrêtes là, vinyle. Parce que okay, sinon, ça va aller trop loin. un certificat de 100 $ en magasin à Explosive Groove, ça peut être fabuleux parce que vous allez faire des découvertes extraordinaires. Puis, tu sais, parfois, certificat cadeau, tu regardes un peu les disques par-ci par-là, tu dis, je connais ce nom-là, mais j'ai pas vraiment envie d'acheter un disque pour voir qu'est-ce qu'il fait. C'est le moment. Tu te l'achètes, tu te fais plaisir, puis si t'aimes, si t'aimes pas, au moins t'as découvert. Le pire qui peut arriver, c'est que t'aimes pas ça, mais t'auras quand même fait une belle découverte. Une belle découverte, puis plus... Puis tu le donnes en cadeau après. Jamais. C'est l'idée. Ben, il y a toujours, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui... tout est dans tout et pour tout, là. Oui. Moi, il y a le lot numéro 9. Je veux en parler parce que demain, je vais réaliser une entrevue avec le chef Martin Picard, qui est aussi... Qui anime l'émission Un chef à la cabane. Martin Picard, qui est propriétaire du restaurant Le Pied de cochon, La Cabane à sucre. Alors, on va lui parler demain après-midi, mais il offre le lot, Télé-Québec, en fait, et lui offre le lot numéro 9. Et là, pour avoir vu l'épisode, j'explique un peu l'eau, parce que vous vous demanderez peut-être. C'est une belle assiette, et je l'ai vue, elle est magnifique. C'est une assiette de service ovale, faite dans la porcelaine de Limoges. D'ailleurs, il y a un épisode que vous pourrez voir ce soir, si je ne m'abuse, où on voit Martin Picard et Marc Séguin qui sont à Limoges et qui travaillent sur le projet d'assiette avec l'impression des œuvres de Marc Séguin, cet artiste de renommée internationale. Alors, Marc Séguin signe les œuvres, c'est des assiettes œuvres d'art. Alors, on offre une assiette, un coffret de verre de vin blanc et un coffret de verre de vin rouge, avec aussi là, la signature ou si vous voulez la griffe collection Marc Séguin. Alors, c'est un très, très beau lot d'une valeur de 600 $. C'est le fun parce que c'est à la fois l'art de la table et l'art tout court. Là. Ben oui, puis moi, je viens d'apprendre qu'il y a des verres pour le vin blanc et des verres pour le vin rouge. Oui. Je ne savais c'est pas. C'est quand on veut être fancy, là, mais je pense qu'on peut. C'est pas grave. Mais en tout cas, mais c'est un très beau lot. Puis si vous voulez voir l'épisode de ce soir, Martin Picard qui s'est promené en France pour retrouver, si on veut, ses souvenirs de chef de naissant. Là. Alors, il est à Limoges et là, on voit un peu comment la porcelaine se fait, comment l'assiette a été construite, conçue avec le glaçage et l'œuvre qui est comme aplatie. Ouais, ben j'allais dire étampée, mais c'est vraiment pas ça. Alors je m'arrête là dans l'explication. C'est tout un art, la porcelaine et de toute façon tout ce qui est de faire des assiettes et des ustensiles, peu importe, c'est tout un art. T'es rendu là, je pense. Sûr. Pas sûr. Écoute, Caroline, moi, je suis quelqu'un qui mange très, très tôt dans la vie. Là, il est quasiment 4 heures. J'ai pas soupé. Je soupe pas avant à soir. J'ai faim. Alors, moi, quand je vois les lots 83, 84 et en plus 86, 87 qui sont respectivement Nikki Sushi qui vous offre une soirée d'une valeur de 150 $, certificat cadeau d'une valeur de 150 $, lot 83-84. Puis, moi, j'adore les sushis. Je ne sais pas si tu es une fan de sushis. Je suis une fan de sushis aussi. Mais tu sais, je voudrais être plus fan, mais des fois, mon budget me limite, là. Oui, c'est un peu ça, l'affaire. Mais tu sais, tu manges les sushis, tu manges chanté, tu sais, tu fais « Ah oui, le saumon, les sushis au saumon, blablabla. » Puis après ça, tu te vas te bourrer la face avec Érico Chocolatier, les lots 86-87. Tu as l'œil pour trouver les bons lots gourmands, toi aussi, hein? Moi, Caroline, le chocolat, si tu me caches ça dans une boîte, moi, l'a trouvé ta boîte. Lot 86-87, certificat encore d'une valeur de 100 $. C'est le moment de vous gâter, de faire une soirée aussi, offrir un peu une soirée chocolatée à vos amis. Ça, c'est vraiment des beaux cadeaux aussi. Ben oui, puis imagine. Ou se faire des beaux cadeaux. Oui, oui. Je ne sais pas si tu as vu forcément l'affiche du 50e anniversaire du Radioton. Elle est magnifique. L'affiche de Félix Gérard. Tout le monde qui passe à la station, qui la voit, ont une réaction, tout le monde la trouve belle. Ben, Félix Gérard offre 4 lots de cette œuvre-là. On voit l'affiche, le coin de rue, 3e avenue, 4e rue, avec CKRL. Bon, c'est très stylisé. Là. C'est très, très emblématique. Ouais, puis deux formats. Alors, le lot 69 et 70, c'est des 11x14. Et 71 et 72, pardon, c'est 24x30, dépendamment de la grandeur, de ce que vous voulez. Là. Alors, c'est un beau cadeau à se faire, puis un beau souvenir aussi du 50e de CKRL. De cette année 2023 historique. Et voilà, si vous êtes passé par CKRL, c'est quand même une valeur, dans le cas du 11x14, de 300 $, puis l'autre un peu plus grande, ben ça vaut 500 $. Et allez voir, là, si vous n'avez pas encore vu l'affiche, ouais. Là, visualisez, allez dans ces lots-là, là, 69, 70, 71, 72, vous verrez, là, vous aurez, vous aussi, je pense bien, un coup de cœur. Oui, puis si vous êtes amateur d'art aussi, les lots suivants pourraient vous intéresser aussi, parce que de 73 à 77, c'est des œuvres d'art. Donc, on parle de Hugo Landry, Cynthia Coulombe-Bégin, deux œuvres de Cynthia Coulombe-Bégin, ouais, André-Philippe Côté. Deux œuvres de André-Philippe Côté. Oui, c'est ça, Cynthia Coulombe-Bégin, Hugo. Bon, c'est des habitués, hein, ils sont généreux avec ses KRL. Mais André-Philippe Côté, je ne savais pas qui. Bon, oui, on le connaît, c'est un dessinateur, un caricaturiste. Mais moi, j'ai un petit coup de cœur pour une de ses œuvres. Là, faut pas trop que j'en parle parce que, tu sais, comme je te parle de stratégie, l'œuvre, quand même, elle vaut 1200 $. Là, il y a une mise actuelle à 450 $. Ouais. Mais les oies blanches, je les trouve magnifiques. Mais ils sont toutes magnifiques, là. Oui, oh, ils sont toutes magnifiques. Coup de cœur, là, tu sais, une œuvre d'art, c'est ça, hein. Dans des genres différents aussi. Oui, c'est ça qui est fun avec cet encan-là, là. Vous pouvez miser à la fois sur une œuvre un peu plus abstraite, puis après ça, sur des visages, des oies. C'est fantastique. Et quand même, les deux œuvres de Cynthia Coulombe, Bégin, c'est quand même deux œuvres de 2 300 $ comme valeur. Comme on dit, c'est coté. C'est coté. Tu sais, ça prend de la valeur, ça, tu sais, c'est des œuvres que vous avez dans votre... On l'achète d'abord parce qu'on a un coup de cœur, mais parfois aussi, c'est un investissement. Puis si vous voulez miser sur ces œuvres-là, c'est lot 74-75. Il n'y a aucune mise encore, donc c'est le moment de vous lancer, de partir la mise assez haute si vous voulez gagner ces deux œuvres-là et après ça, challenger les autres, comme Caroline qui parle de stratégie. Ben oui, tu sais. Il y a un lot, le lot numéro 34. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, parce qu'il y en a quand même 100, là. Moi, ça m'a accroché, mais je vais à David Rocket Chip, qui offre 2 planches à roulettes Skate Strange. Moi, je ne suis pas du tout dans les skates, là, mais je sais qu'il y a des amateurs. Mais en tout cas, c'est un bel objet aussi. Alors, des skates de qualité professionnelle. En plus, bien sûr que c'est fabriqué à Québec et c'est illustré à la main, comme je le disais, par David Rocket Chip, qui est un animateur ici, ma foi, un autre bien connu, qui est son fan club. Et bon, là, alors là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est illustré, bon, je le dis, à la main par un procédé de linogravure. Ça rend ça unique. Alors, je ne suis pas une spécialiste, là. Encore une fois, vous irez voir. Mais je voulais le mentionner. Ça vaut quand même 150 $. La mise actuelle est de 85. Oui, puis on rappelle, si vous voulez miser sur l'encan de CKRL 89.1, vous pouvez taper dans votre moteur de recherche CKRL encan 2023. C'est le premier lien. C'est aussi simple que ça si vous voulez miser. Après ça, vous avez toutes les instructions. Puis c'est super simple. C'est ça qui est le fun. Et un autre lot qui peut être intéressant pour les fans de musique, parce que je viens de le voir, je ne sais pas comment j'ai passé à côté, le Knockout sur Saint-Joseph. Oui, ben oui. 2 lots, 45-46, certificat cadeau de 100 $ en magasin. Si vous aimez le rock, le métal, la musique un peu plus underground, le Knockout se spécialise dans ces genres-là. Mais il y a aussi des belles trouvailles pour les amateurs de musique plus populaire, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le bon terme. Mais moi, je fais souvent de belles découvertes dans ce magasin-là, côté francophone, 100 $. Donc, c'est le lot 45 et 46 si vous voulez miser sur le Knockout. C'est bien pour dire, hein, c'est ça. Il faut faire un premier tour visuel, aller faire un tour, regarder. Puis là, on y retourne. Puis on voit des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. T'sais. Bon, le démon. Le démon. C'est le démon du magasinage. Est-ce que tu as un coup de cœur? As-tu eu un coup de cœur? Tu dis, ah, absolument, il faut que je... Le Knockout, tu viens d'en parler, peut-être? Bien, tout ce qui est musique, là, tu sais, Knockout, ouais. Explosive Groove, les sushis, ça peut être intéressant aussi. Le théâtre, j'ai pas vraiment de coup de cœur, en réalité. Ah, il y a plein d'affaires intéressantes. C'est trop. Ben oui, puis j'ai parlé un petit peu brièvement du Château Laurier, mais ça, c'est un classique. Je sais que c'est très populaire aussi. Alors, les gens aiment bien ça parce que c'est une nuitée au Château Laurier. C'est comme de sortir, même si vous habitez Québec, moi, je l'ai pris une fois. En fait, je l'avais acheté. J'avais eu l'eau pour le donner en cadeau, mais j'ai pas pu. Je suis allée, j'en ai profité. Et voilà, c'est un lot de 280 $, mais il y a 2 fois. Alors, couette et café, une nuit en occupation double, gâtez-vous. Ben, Jason, il nous reste 1 minute. Il nous reste 50 secondes. Pour dire de faire vos mises. Faites vos mises. Il y a encore plusieurs lots qui n'ont aucune mise de départ. Donc, pour commencer, je veux dire, donc, c'est le moment, là, si ça vous intéresse, 100 lots sur lesquels vous pouvez miser CKRL 89.1. C'est le moment d'encourager la station. Le Radioton CKRL 89.1 commence dans quelques minutes à 16h. Ben, en fait, ça a déjà commencé parce qu'on l'a parti, nous on autres. On disait qu'on le partait un peu quand même. On l'a parti, nous autres, tout ça. Fait que jusqu'à dimanche soir, vous avez des spectacles, l'occasion de festoyer avec nous et d'encourager surtout la station. Exact. En donnant de diverses façons, dont l'encan, CKRL, encan 2023 sur Google. Vous avez toutes les instructions. Merci. On te retrouve dimanche, Jason. On me retrouve dimanche, en quelques secondes. Dimanche, 9h, Souvenir Franco. On écoute les plus gros succès de l'année 73, l'ouverture de la station. Et en plus, à 9h30, j'ai Daniel Lavoie en entrevue. C'est pas fantastique, ça? Merveilleux. Mais, merci, Jason. C'est un plaisir de co-animer avec merci toi. Merci à toi, Caroline. Restez à CKRL parce que le Radioton commence dans quelques instants. Bon Radioton!